Alors, vous êtes toujours à l'antenne de Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1. Donc, on va continuer avec notre émission un peu hétéroclite. Donc, après avoir parlé de la vinification, de la toxoplasmose, eh bien, on va passer au thème de la forêt. C'est demain que s'ouvre le Salon de la forêt. Et pour nous présenter ce salon, eh bien, j'ai avec moi deux invités. Vincent Gagnon, président de la Semaine des sciences forestières, et Jean Bouchard, responsable des communications à la Semaine des sciences forestières. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ben pour, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, puis de présenter aussi qu'est-ce que c'est que cette science de la Semaine des sciences forestières. Absolument. Alors, moi, c'est Jean Bouchard. Je suis étudiant en opérations forestières à l'Université Laval. Et comme vous dites, je suis responsable de communication. À ma gauche, il y a Vincent ouais. Gagnon. Oui, moi, c'est Vincent Gagnon. Moi aussi, je suis étudiant en aménagement forestier à l'Université Laval. C'est un peu, ça ressemble un peu, ça se recoupe avec ce que j'en fais. Puis, c'est ça, dans le fond, la Semaine des sciences forestières, c'est une semaine, mais disons que le gros de la semaine se passe au salon. Donc, ce qu'on fait durant la Semaine des sciences forestières, qui dure d'ailleurs depuis 43 ans maintenant, mm-hmm. on fait un salon qui dure la fin de semaine, donc du vendredi jusqu'au dimanche. Puis le salon, comme tel, c'est beaucoup d'exposants qui viennent, il y a des conférences, il y a plusieurs choses qui vont se dérouler au salon. C'est vraiment le point fort de la Semaine des sciences forestières. Et là, donc si je comprends bien, ça existe depuis 43 ans, ça existe cette semaine et ce salon, et c'est des étudiants qui l'organisent, ouais, c'est ça? Oui, à vrai dire, le salon, ça fait 33 ans. 33 ans, oui. Mais c'est ça, puis c'est toujours des étudiants de foresterie qui l'organisent. Maintenant, avec le bac en environnement, c'est rendu foresterie et environnement. D'accord. Qui vont participer. Et quel est l'objectif, en fait, de ce salon? C'est de promouvoir, finalement, le domaine forestier. Un domaine qui, parfois, est sujet à certains préjugés ou idées préconçues. Et nous, on est là, finalement, pour apporter là, une idée fixe et plus juste de la réalité du domaine forestier. Pour ce faire, il y a beaucoup de conférences, d'informations qui sont données au grand public. Des conférences, finalement, de personnes là, qui s'y connaissent, des chercheurs. On a des conférences sur les propriétés physiques et mécaniques du bois. On a un conférencier qui vient justement parler du métier d'ingénieur forestier, mm-hmm. que pour plusieurs personnes encore, c'est méconnu. C'est vrai. Quelque chose là, qui reste à approfondir pour le grand public. On a aussi des produits forestiers non ligneux. Ça, entre autres, c'est tout ce qui n'est pas du bois, en fait. Parce que la forêt, vous le savez, c'est un environnement très complexe. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il n'y a pas juste des arbres, finalement. Il n'y a pas juste du bois. Exactement. Il y a, entre autres, par exemple, il y a des champignons qui mm-hmm. sont très prisés et qui valent beaucoup, là, monétairement parlant, et qui sont exploités de plus en plus pour justement permettre de faire une foresterie plus globale et mm-hmm. Intégrer là, toutes les ressources possibles. Donc, c'est le genre de choses qu'on va trouver au salon. Donc, il y a des exposants. Vous m'en avez nommé quelques-uns, mais il doit y avoir d'autres exposants qui viennent donc montrer tout ce qui se passe dans tous les visages de la forêt, finalement. Exactement. Bien, ce que je vous ai dit jusqu'à là, c'est des conférences. Il y a des kiosques là, ouais, c'est ça, tenus ouais. par différentes personnes. Il y a des étudiants, il y a des centres de recherche, il y a des particuliers même qui viennent, des gens comme vous et moi, là, qui mm-hmm. viennent tout simplement présenter là, soit leur passion, un peu comme Angelo Trepani, c'est un passionné là, de la scie mécanique. Mm-hmm. Il fait une exposition là, de toutes ces scies qu'il y a. Collection de scie mécanique. Exactement. C'est original. C'est très original, je pense. C'est assez unique d'ailleurs. On a aussi un monsieur, Jacques Bournival, qui vient. Lui, c'est un monsieur qui a des chevaux de débardage, ouais. Comme ça se faisait dans l'ancien temps. D'ailleurs, si vous avez déjà vu le film « Un homme et son péché », OK, ben enfin, il y a un cheval, justement, à l'intérieur. Qui c'était de ce monsieur-là? Fait que c'est un cheval ouais, là, qui a fait ouais, okay. des présentations là, à la télévision dans les films. Enfin, il y a aussi des entreprises, le ministère, la forêt Montmorency, la faculté de foresterie, géographie, géomatique, ça foisonne. Donc, il y a plusieurs centres de recherche aussi qui vont, donc j'imagine peut-être les gens du MRNF, du ministère des Ressources naturelles et de la faune, oui. ou peut-être du Service canadien des forêts, sont là pour montrer oui. un peu le genre de recherche qu'ils font. Absolument. Oui. Et comme entreprise, qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple? Parce qu'en même temps, à travers ça, j'imagine que c'est pour montrer aussi le genre de métier de la forêt. Oui. Oui, c'est à la fois pour montrer de l'information de ce que les gens font, mais aussi leur métier promouvoir justement ouais. les métiers qu'ils font. Parmi les entreprises, là, on a l'Association forestière des Deux-Rives. On a une agence de mise en valeur des forêts privées. On a des pépinières. On a le Secobo aussi, que c'est un organisme là, en lien en partie avec l'université, qui fait la promotion du bois dans les constructions, un peu comme juste ici, pas loin de nous, là, le nouveau bâtiment sur Charest. Bâtiment Fondaction. Là, exactement. Exactement. Oui, donc, il a été construit avec, en bois, là, donc six étages en bois. Exactement. Ouais. Fait que c'est en partie avec Secobo là, qui font de la promotion de ça. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est important, c'est ça, de voir, on voit la forêt, mais on voit aussi la transformation, qu'est-ce que ça devient éventuellement, et toute la valorisation des produits qui proviennent de la forêt, bien, ça fait partie de la Semaine des sciences forestières, du Salon de la forêt, puis tout ce qui vient autour. Fait que finalement, la forêt, même les métiers de la forêt, c'est pas juste couper des arbres, c'est aussi faire d'autres choses avec ça. C'est ça. Donc c'est les transformer. C'est les redonner par la suite puis les utiliser dans la vie courante. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on retrouve comme les organismes Secobois, là, je crois que vous l'avez dit. Est-ce qu'on trouve par exemple des architectes à ce moment-là? On doit retrouver les utilisateurs de ces produits. Ben oui, justement, il y a plusieurs kiosques étudiants, notamment le kiosque des étudiants en architecture qui sont là pour montrer qu'est-ce qui peut se faire avec le bois, comment est-ce que c'est utilisé en architecture. Bon, il y a quelques années, on avait développé un projet avec eux, on avait fait une arche en bois, et l'arche va être présentée encore au salon cette année. Qui est mélangé avec le... Dans le fond, c'est ça. C'était un lien entre l'architecture et le génie du bois dans la construction d'une œuvre d'art, un peu. Puis même, pour aller plus loin avec ça, il y a un concours, le défi Secobo, où c'est justement un défi à chaque année que les étudiants se regroupent, des étudiants en architecture, en ingénierie civile et en génie du bois, pour créer une structure... incluant le bois là, en grande majorité. Alors, sinon, en totalité, quasiment. Alors, on leur dit, vous devez construire ça, on leur donne les matériaux, puis là, ils planchent là, en temps réel, puis... Les gens peuvent venir voir, là, ça se construit devant leurs yeux, un peu comme les châteaux de sable, là, un peu à Expo-Québec, qu'on peut voir. C'est la même chose, et d'ailleurs, les étudiants sont justement là pour informer les gens, savoir ben, pourquoi vous avez fait ça comme ça, c'est quoi votre idée, c'est quoi votre concept, comment vous y êtes pris, tout ça sont vraiment puis là ils connaissent aussi. Pas à l'avance ce qu'ils doivent construire. Non, ils savent ce soir même, je pense. Ah ouais. Exactement. Donc ça fait un peu du suspense pendant le salon. Exactement. Parce qu'on doit voir les projets qui avancent. Ils ont 2 jours, 3 jours pour réaliser leur... Oui, ils ont 3 jours pour réaliser le... Donc là, on a vu un petit peu tout ce qu'il y a. Mais maintenant, ça s'adresse à qui finalement? Qui va aller là? Qui a intérêt à aller là en tant que visiteur? Eh bien, salon, ça s'adresse à tout le monde. Alors, cette année, ça commence d'abord le vendredi avec les activités jeunesse. Donc, il va y avoir cette année 400 étudiants du secondaire qui vont venir durant le salon. Donc, pour eux, on organise des conférences adaptées, tout ça. Donc, pour aller chercher plus les jeunes. Mais par la suite, tout le long du salon aussi, il va y avoir des kiosques plus adaptés aux jeunes, plus adaptés aux vieux aussi. Vraiment, c'est pour tout le monde. Hein? Pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Donc, vraiment, on essaie d'aller chercher tout le monde, peu importe qu'est-ce qu'ils font pour... Est-ce qu'il y a, par exemple, aussi, parce qu'on parle un petit peu là, de forêt, comme de métier, peut-être de voie d'études pour les jeunes, mais tout simplement pour l'amoureux de la nature qui veut aller marcher en forêt, est-ce qu'il va trouver quelque chose d'intéressant pour lui? Oh oui, tout à fait. Parce que, justement, un amoureux de la nature, ça se connaît, puis... La plupart des gens qui sont là, ce sont tous des passionnés aussi. On a la forêt Montmorency qui est là, qui va démontrer là, qui va qui oui, c'est d'ailleurs un centre de plein air. C'est ça. Est-ce qu'il y a finalement des exposants ou des conférences qui vont rejoindre ces gens qui sont plus des passionnés, des randonneurs ou des passionnés, des gens pas forcément pour leur métier mais pour leur loisir. Donc est-ce qu'eux vont trouver des kiosques ou des... Oui, bon, c'est ça. Avec les kiosques, c'est ça. Bon, on essaie de chercher là-dessus. On a aussi dans nos kiosques étudiants, là, certains kiosques, là, dont le bac en environnement, ces choses-là, des gens qui vont être plus une utilisation récréative du territoire, qui vont réussir à aller chercher là-dessus. Cette année, par contre, dans nos conférences, on n'a pas vraiment de conférences là-dessus cette année. C'est quelque chose là, qu'on va essayer de mettre en place là, durant les prochaines années, parce que le bac en environnement est tout nouveau aussi. Là, c'est la deuxième année là, de sa création. Ah ouais. Fait que d'intégrer ces gens-là, tranquillement pas vite, aussi à l'événement, c'est un de nos défis. Ouais. Et aussi pour le grand public, il y a des jeux forestiers aussi. C'est des équipes des différentes universités et écoles de foresterie au Québec qui viennent participer à des jeux forestiers là, où il y a plusieurs défis. C'est un peu, finalement, pour tester leurs habiletés, leur dextérité. Ah, ouais. C'est très intéressant aussi pour les gens là, de voir ça à l'œuvre. Mmh. Ouais, ouais. Et il manque encore une information pratico-pratique. C'est où et comment on y va? Quel prix? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? Bien, à vrai dire, l'entrée est gratuite. Donc, on s'assure que tout le monde. Il n'y a pas d'excuse de ce côté-là. Non, non. Puis, c'est à deux pas d'ici. C'est au centre de foire exposité. Finalement. C'est ça. Le centre de foire exposité dans la salle A. Là, mais ouais. C'est ça. C'est conjointement avec le salon de l'agriculture, de l'alimentation. Et de la consommation. Donc, c'est un autre salon étudiant. Donc, tous les deux salons vont être en même temps. Donc, on se combine pour être plus fort. C'est ça. Donc, en plus, on peut combiner notre déplacement, là, aller de l'un à l'autre. Donc, aller voir les arbres et après, on va à côté, on va voir les vaches. C'est intéressant. C'est le fun pour ça. Il y a eu beaucoup de dégustations de leur côté aussi. Oui. Donc, il y a plein de choses qui sont le fun de leur côté aussi. Donc, ça se complète très bien. Et donc, ça commence demain, c'est ça? Demain, dès 9h, finalement, ils vont avoir la conférence de presse pour lancer la semaine des sciences forestières. Et toute la fin de semaine, finalement, du 13 au 15, les gens sont invités à venir là, au centre de foire exposité. Ouais. D'accord. Ben alors, je vous remercie d'être venu inviter les auditeurs à ce salon. Je vous souhaite un bon salon. Et puis, peut-être qu'on va suivre le défi Sécobois pour voir. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ben, merci donc, à vous. Donc, je rappelle Jean Bouchard, Vincent Gagnon, respectivement président et responsable des communications de la Semaine des sciences forestières. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.